Bonjour, bonjour, bienvenue sur Chaîne Inter, non, Chaîne Inter Express, cette nouvelle édition de Chaîne Inter Express. Très contente de vous retrouver, enfin, et de vous tenir compagnie comme d'habitude jusqu'à 13h. Donc on va se tenir compagnie pendant 2 heures pour un bel échange, pour partager des idées, des avis, des témoignages, des points de vue, parce que votre point de vue nous intéresse, comme je le dis toujours. Donc sur un sujet qui est très pertinent, c'est l'auto-victimisation. On appelle ça le syndrome de Calimero. Vous vous rappelez très bien toujours, à qui ne sont pas contents hein, tout le temps, donc qui jette toujours la responsabilité sur l'autre, qui se victimise. Alors pourquoi ils se victimisent? Pourquoi ils se mettent toujours dans ce rôle de victime, de la victime? Qu'est-ce que cela leur apporte, et ils se sentent comment? On aimerait bien savoir. Et si vous êtes, comme j'ai dit, Calimero, donc si vous êtes aussi, vous faites partie plutôt des gens qui se victimisent, n'hésitez pas à nous appeler au 05 37 20 44 73, 05 37 20 44 73, notre ami Agoub, il va vous rappeler pour y participer. Et on va en parler aujourd'hui, on va débattre de ce sujet avec mes deux charmantes invitées. Il s'agit de Madame Sana Hanini et Madame Ikhlas Tezi. Bonjour mesdames. Bonjour. Ravie de vous rencontrer et merci d'avoir répondu à l'invitation de Chaîne Inter Express. Merci à vous. Merci. Alors, Ishaq vous fait signe. Il faut rapprocher un petit peu du micro. Voilà, donc on va rappeler encore une fois le numéro de téléphone 05 37 20 44 73, 05 37 20 44 73. Alors, plainte, récrimination, insatisfaction, certaines personnes sont constamment persuadées d'être victimes d'injustice. Donc, c'est aujourd'hui qu'on dit stop à cette... pas à cette injustice, mais à cette mauvaise habitude. Cette litanie de récrimination. Voilà, dans Chaîne Inter Express. Alors, tout d'abord, on aimerait bien, pas définir, on sait très bien ce que c'est que se victimiser, mais pour vous, une personne qui, comment vous pouvez décrire ou reconnaître une personne qui se victimise? On commence par... effectivement, la première chose qui est très récurrente chez une personne qui se victimise, c'est qu'elle est dans un regard très pessimiste par rapport à son entourage, par rapport à son contexte et par rapport à toutes les personnes qui sont en côtoiement avec elle. D'accord. Donc c'est le regard négatif, le regard pessimiste, et puis en même temps, elle ne... Le regard pessimiste et négatif vis-à-vis d'elle-même ou des autres? Alors, ça se voit déjà par rapport à comment elle perçoit les autres. D'accord. Après, quand on lui pose la question comment elle se perçoit, elle a effectivement un regard très négatif d'elle-même. D'ailleurs, on parle effectivement d'un problème d'estime de soi. Elle ne sait pas comment se valoriser. Et le seul moyen qu'elle trouve, c'est qu'elle va se percevoir ou qu'elle va se projeter dans une image de victime. Et qui fait que l'ensemble de son entourage est supposé la voir comme étant la victime de son contexte ou de son environnement. Donc, les deux, on va dire, caractéristiques, c'est qu'elle se perçoit négativement, mais ça, on ne le voit pas forcément si on ne pose pas de questions, mais on va percevoir qu'elle est dans une posture de négativité par rapport à son entourage. D'accord. Oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport à ça. D'abord, cette posture de plaignant de Calimero, c'est un choix, c'est-à-dire que cette personne a choisi de se positionner comme victime. Tout le monde dans sa vie a été victime d'injustice. Mais c'est pas ça, c'est pas notre syndrome, c'est pas le syndrome de Calimero. Le syndrome de Calimero, c'est lorsqu'on choisit de se positionner comme victime. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi innocent qu'on le croit. D'accord. Parce qu'il y a des avantages derrière. C'est ça, et ça sent un peu la manipulation. Vous voyez, c'est différent. C'est-à-dire que nos auditeurs doivent faire la différence entre être réellement victime d'une injustice, chose qui peut arriver à n'importe qui et qui arrivera à tout le monde, mais la personne ou le syndrome de Calimero, sujet de notre conversation aujourd'hui, c'est un choix Et c'est un choix pour avoir, pour susciter de la compassion, pour de se déresponsabiliser de ses actes. Donc, c'est un peu pervers comme comportement. Et on cherche des avantages derrière. On veut que les... Il y a un adage que j'aime bien qui dit que on ne tire pas sur une ambulance. Est-ce que l'ambulance, comment ça se passe pour une ambulance? On lui laisse le passage, on compatit. Donc c'est ça, c'est un peu le rôle que la victime cherche. C'est pour que tout le monde ne la touche pas. Par exemple, si on est dans un contexte professionnel, c'est toujours la faute des fournisseurs qui n'a pas. N'a pas C'est été à la toujours, hauteur. oui, c'est toujours la faute à ses collègues qui n'ont pas C'est toujours la faute collaboré. aux autres, hein. Voilà, exactement. Donc il faut vraiment faire la différence. Que c'est un choix de se positionner pour susciter un peu la compassion et pour se déresponsabiliser et pour manipuler, pour arriver à ses fins avec des techniques pas très, très, très, très Alors, donc, catholiques. l'auto-victimisation, c'est l'une des caractéristiques des manipulateurs. Exactement, c'est ça. Vous êtes d'accord? Oui, c'est l'une des caractéristiques effectivement des manipulateurs, mais c'est aussi quelque part, comme tu as dit, Hanan, c'est un choix parce que face à l'injustice, nous avons de toute façon enfants, adultes ou âgés, nous allons tous vivre des situations où on va être face à des personnes malveillantes ou on va être face à des contextes injustes. Donc c'est notre façon de réagir face à cette injustice qui va être différente. Le manipulateur, il peut choisir effectivement une posture de victime pour avoir des gains. Il y a des personnes aussi qui peuvent choisir la posture de victime parce qu'ils ne perçoivent pas qu'ils ont cette capacité de réagir. Il y a d'autres qui vont réagir parce qu'ils perçoivent qu'ils ont intérêt à être acteurs de leur propre vie. Donc en fait, moi je perçois non seulement quelqu'un qui se victimise, c'est pas seulement un manipulateur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne se connaît pas assez et qui ne sait pas comment valoriser ses compétences. Et qui n'est pas capable peut-être d'assumer ses actes. Exactement. Si je peux un peu rejoindre un peu ce que dit Ikhlas, c'est que vraiment, il y a des problèmes à la base. C'est vrai que, par exemple, une personne qui va se comporter en auto-victime, c'est une personne qui a un déficit en estime de soi et en confiance en soi. Donc, et comment elle a interprété donc des manifestations ou bien des épisodes traumatiques dans sa vie en incombant la faute à l'autre. Si, c'est toujours l'autre qui a, c'est pas moi. Donc, on garde donc la Ça, c'est victime. plus facile que d'assumer ses Exactement. responsabilités. Donc, elle garde cet automatisme d'imputer aux autres ce qui lui arrive. Généralement, c'est des traumatismes de l'enfance où on n'a pas bien réglé des problèmes, c'est-à-dire affectifs, de liens avec les parents, avec des problèmes de socialisation. Donc, on a gardé un peu cette position par rapport à la vie qui est mancale. Et on la transfère, après on transmet dans notre vie adulte. Donc on choisit cette posture exactement dans une situation, une solution facile au lieu de travailler sur soi, exactement. Donc on ne va pas dire que c'est vrai que c'est de la manipulation, mais aussi ça peut aussi s'expliquer par un énorme déficit d'estime et confiance en soi. Parce que si cette personne était consciente de ses propres ressources, alors que chacun de nous a des ressources énormes, inépuisables, insoupçonnées, des ressources de créativité, toutes les ressources qu'on peut imaginer. Au lieu d'aller l'épuiser en elle-même, elle essaie toujours de chercher des alibis par rapport aux autres. Donc, c'est vrai, moi je rejoins un peu l'idée, ça complète un peu les deux idées. Et puis, une autre idée sur laquelle je veux un peu m'arrêter, c'est que dans le triangle de Cartman, nos J'aime auditeurs, dramatique. il y a un triangle qui s'appelle donc le triangle de Cartman, où il y a trois positions de vie. Donc, il y a la victime, il y a le persécuteur, il y a le sauveur. Donc, cette victime, elle va se transformer en persécuteur Après. après. Donc, il ne faut pas vraiment. Parce que si durant un certain moment, elle a été dans la posture de victime, à un certain moment, elle va être persécutrice. Au moment opportun. Au moment opportun, oui. Donc, et, c'est planifié à l'avance. C'est de la selon Cartman, selon triangle de Cartman, c'est un peu la base de l'analyse transactionnelle. Mm-hmm. Donc, c'est une science qui essaie un peu de rationaliser et d'étudier donc les transactions. Mm-hmm. Les rôles, il y a un changement de rôle, donc sûrement cette victime, elle va se transmettre en persécutrice. Alors, en fait, moi, je suis quand même dans la posture dans laquelle je me dis, il y a effectivement des personnes qui, et ça représente une maladie, effectivement, qui est à traiter. Les gens qui sont dans la manipulation tout le temps, qui sont éventuellement dans la perversion, c'est des gens qui ont besoin d'accompagnement thérapeutique. Plus que de l'accompagnement coaching. Mais les personnes qui ont un déficit de confiance en eux et d'estime et qui ne savent pas comment s'affirmer, c'est effectivement des gens qui ont besoin d'accompagnement coaching, mais c'est pas forcément machiavélique leur comportement. C'est-à-dire qu'il faut nuancer. Il y a des gens qui vont être dans la manipulation parce que pour eux, c'est le seul moyen d'exister. Mm-hmm. Mais il y a d'autres personnes qui vont le faire parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas appris aussi à faire autre chose. Mm-hmm. En fait, il y a un livre qui est assez intéressant à lire sur la victimisation et l'auto-victimisation et qui parle de deux frères qui sont issus d'un père alcoolique. Oui. Et il y a un frère qui va devenir alcoolique et qui va projeter la responsabilité de son alcoolémie par rapport à son père. Il dit que c'est parce que c'est mon père et parce que j'ai baigné dans un environnement dans lequel tout le temps mon père était comme ça et donc je n'ai pas pu voir autre chose. Mm-hmm. Mais il y a l'autre frère qui va être beaucoup plus dans la... qui ne va jamais toucher à l'alcool parce qu'il a compris que son père a vécu sa vie de cette façon et qu'il a des choix à faire. Mm-hmm. Je te remercie, Sana, d'avoir rappelé que la notion de choix est importante. Mm-hmm. Mais est-ce que j'ai le courage de faire ce choix, d'aller m'affirmer parce que m'affirmer, c'est... Est-ce que je suis consciente déjà que j'ai le choix? C'est ça? Oui, exactement. Oui. Effectivement, est-ce que je suis consciente qu'il y a le choix? Mais en même temps, est-ce que j'ai cette capacité de percevoir que faire un choix, parce que de toute façon, décider ou agir, c'est renoncer à quelque chose. Mmh. Et celui qui s'auto-victimise, il va devoir renoncer au gain qu'il a envie d'avoir, qui est la compassion, qui est éventuellement le soutien, l'affection, l'appui. Mais c'est momentané. Et moi, j'ai même envie de dire que c'est juste une illusion de contrôler la situation. Parce que réellement, il ne contrôle pas la situation. C'est toute la situation qui le contrôle. Mmh. C'est les autres, parce qu'il ne va pas forcément être dans la défense de ses intérêts. Quoique, bon, quel intérêt il perçoit dans cette situation, là, dans cette posture de victime. Mmh. Bah, quand j'ai choisi de parler de ce sujet, je me suis dit que ce sont des gens, pauvres gens, qu'on doit peut-être... qu'on doit... accompagner, peut-être pour éveiller un peu les consciences, pour qu'ils se remettent en question. Mais là, d'après votre première analyse, je vois que c'est un peu dangereux, hein. C'est très profond, ça. C'est pas simple. Oui. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Quand ça devient machiavélique, comme vous dites, de la manipulation, ça devient grave. Alors... s'il y a des caliméros parmi vous, chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous appeler au 05 37 20 44 73. 05 37 20 44 73. Laissez votre numéro de téléphone. Notre ami Yacoub vous rappellera par la suite pour y participer. Vous aussi, chers amis Facebookers, bonjour, bienvenue. Donc, vous pouvez laisser un commentaire sur le live ou bien laisser votre numéro de téléphone ou appeler tout simplement le 05 37 20 44 73. Un petit morceau de musique et on se retrouve juste après. Merci. Chanter. chacun tout contre l'autre enlacé. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous sur Chelanter. Merci de rester parmi nous jusqu'à 13h. N'hésitez pas à nous appeler au 05 37 20 44 73. 05 37 20 44 73 si vous voulez partager avec nous votre avis sur l'auto-victimisation, le syndrome de Caliméro. Donc nous en parlons aujourd'hui avec Madame Ikhlas Tezi, Madame Sana Hanin. Ce sont deux coachs certifiés en PNL. n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, comment devient-on on a un appel, d'accord. On le prend. Allô? Ça a coupé. D'accord. Alors, je disais, comment justement devient-on comme ça c'est-à-dire, pas de, on va pas dire des manipulateurs, on le devient après peut-être si on est conscient de ce qu'on fait, mais pourquoi on s'auto-victimise? Est-ce que pas, c'est par manque de confiance, manque d'estime de soi, ou, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des intentions derrière, des fins derrière? Ça, nous, on en a déjà parlé. Donc, ce sont des manipulateurs, bien évidemment. Mais pour les gens qui se sentent bien dans cette posture, pourquoi, à votre avis? Natek, un exemple, Lahana. Oui. Je suis une maman. J'ai deux enfants. Mm-hmm. J'ai un enfant qui est assez grand et que je suppose assez autonome. Mm-hmm. Et j'ai un enfant que je suppose c'est le dernier. Il n'a pas forcément cette autonomie que je réclame chez le premier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur demander d'aider. Mais je vais dire, le petit, toi, tu ne sais pas faire. Toi, de toute façon, c'est ton frère qui va faire à ta place. Alors, quelle est l'image que je donne à cet enfant? C'est une image d'incompétence et d'incapacité. Et quelle est l'image que je donne à l'autre? Qu'il est capable et qu'il est le sauveur de son frère. Donc peut-être que moi, ce que j'aimerais attirer l'attention des auditeurs aussi, c'est que pas uniquement les gens qui se prennent comme étant des victimes qui ont besoin d'appeler, c'est aussi les gens qui se prennent pour étant des sauveurs. Parce que c'est eux qui perpétuent effectivement cette posture de victime chez les autres. Donc la première chose qui va contribuer à l'auto-victimisation, c'est l'image que me donnent mes parents ou là, mon entourage sur moi. Soit je suis quelqu'un d'incapable ou que je suis quelqu'un qui est tout le temps victime. Je vous donne un autre exemple. Un enfant, il y a des enfants qui tombent régulièrement. Et ça, c'est aussi une façon d'apprendre à se lever. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que je vais dire en tant que maman? Je vais le dire en arabe. Donc, je vais lui donner cette image qu'il est victime de son environnement, qu'il est même victime de moi, parce que c'est moi qui l'ai mise au monde. Donc, je vais donner cette image de victime à mon enfant et qui va grandir avec cette posture. Donc, aujourd'hui, la première chose qu'il va faire d'un adulte, on va dire une victime, c'est l'image que lui ont donné ses parents. Et puis c'est aussi s'il a fréquenté un environnement toxique, un environnement qui est tout le temps dans le pessimisme. Ou là dans la négativité. Et puis aussi, si je suis face à une maman qui est dépressive, si je suis face à une maman qui a quand même un rôle dysfonctionnel de maman, il y en a plein. Il y en a plein dans notre société. Oui, madame. Oui, moi, j'aimerais bien ajouter une autre explication par rapport à ça. Je suis parfaitement d'accord avec les propos d'Ekhlas. Mais je vais donner l'explication de l'analyse transactionnelle par rapport à ça. C'est par rapport à la position de vie. Donc, l'analyse transactionnelle, elle met l'accent sur notre position de vie. Donc, il y a quatre positions de vie. Tu es ok, je suis ok, c'est la meilleure. Tu es ok, je suis pas ok, c'est pas bon. Je suis pas ok, tu es ok, c'est pas bon. Je suis pas ok, tu n'es pas ok, c'est pas bon du tout. Donc dans ces positions, les quatre positions de vie, on positionne la victime dans tu es ok, je suis pas ok. Vous voyez, pour l'autre, il est, c'est-à-dire dans sa façon de voir, les autres sont meilleurs qu'elle-même. Elle sent que les autres la devancent en chance, en compétence, en beaucoup de choses. Donc les autres, ils sont bien lotis, mais elle n'a pas été bien lotie. Donc sa position de vie. Donc ce n'est pas facile lorsqu'on a une position de vie où nous estimons que nous avons été désavantagés dans la vie, donc forcément, cette position négative de la vie, de notre position par rapport aux autres et à la vie, de là va découler toute une série de comportements. C'est des envieux. moi, je t'envie si tu as quelque chose de plus que moi et que moi, je n'ai pas, je veux dire. Et après, je commence à m'auto-victimiser. Pourquoi ? Parce que elle possède ce que moi, je ne possède pas. C'est une position de vie. D'accord, c'est une position. C'est trop injuste, exactement. Donc voilà, et dans cette position de vie, donc, il y a toute une série de comportements, comme j'ai expliqué, qui sont un peu négatifs par rapport aux autres. Donc, par exemple, si dans le domaine professionnel, une personne qui n'a pas... qui sent qu'elle n'a pas de compétences pour un poste, elle a envie des personnes qui ont des promotions, qui ont des primes plus intéressantes. Donc au lieu d'aller voir et chercher à s'améliorer, à aller, travailler sur sa personne, sur ses compétences, elle va démontrer un peu, c'est-à-dire se plaindre par rapport à que c'est injuste, c'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, mais c'est parce que l'autre a fait des stratagèmes pour arriver. Vous voyez, on ne raisonne pas, on ne rationalise pas le comportement. C'est toujours, c'est parce que l'autre a été... C'est l'autre qui est manipulateur. C'est pas, on n'explique pas le fait par lui-même, mais par des excuses qui ne tiennent pas debout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord avec... Tout à fait, effectivement. Merci, Sana, de le rappeler, parce que c'est la façon avec laquelle je vais percevoir ma force et la façon avec laquelle je vais percevoir mon environnement, qui va conditionner est-ce que je serai quelqu'un qui va être dans l'auto-victimisation ou est-ce que je serai quelqu'un qui va se prendre en charge et qui va avancer. Parce que, comme on l'a dit, nous allons tous vivre des situations dans lesquelles nous serons victimes d'injustice. Et heureusement, parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir un peu des compétences qu'on ne se connaissait pas avoir auparavant. Donc je me dis que si je veux véritablement avancer en tant que personne qui est dans l'auto-victimisation, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Je pense que l'émotion moteur ou motrice de cette posture d'auto-victimisation, c'est que je suis tout le temps dans la peur. Alors, si je veux éventuellement évoluer, j'ai besoin de me sentir en sécurité pour que si j'avance, si je vais chercher à m'affirmer, si je vais chercher à être dans la confrontation aussi, parce que si je veux me défendre, j'ai besoin de confronter aussi les autres. Et souvent aussi, culturellement parlant, souvent la confrontation est mal perçue. On perçoit quelqu'un qui va confronter, d'ailleurs... entre nous, si on avait le choix entre la position de Mskina ou la position d'Yaloujaqasa, je pense qu'une bonne partie de la population choisirait Mskina. Oui, exactement. Et on voit ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a des gens qui se victimisent tout le temps. Il y a des fins derrière, des objectifs derrière. Et la première fois, on n'arrive pas à le détecter ou à déceler que c'est quelqu'un de manipulateur. Mais avec le temps, ça se voit clairement que on découvre que c'est une manipulatrice ou que c'est un manipulateur. Il y a des gens qui se manifestent sur des vidéos YouTube, sur des Facebook, enfin les réseaux sociaux, et ils racontent des fois des histoires à dormir debout, comme on dit, pour que la société, pour que les citoyens soient aient pitié d'eux, les aider, peut-être des fois financièrement. On a vu pas mal d'exemples. Exactement. On en a vu. Non, il faut en parler, c'est la réalité. C'est des usurpateurs, comme exactement, on dit. Exactement. Mais moi, l'idée, sincèrement, l'idée que je salue et que Ikhlas a évoquée, c'est que la société, elle valorise, elle compatit avec la victime. Donc cette personne, elle trouve le champ favorable. Exactement. Oui. C'est ça. Donc, l'entourage aussi, il a un très grand rôle à jouer. Par exemple, dans un milieu professionnel, moi je me fais toujours référence à l'environnement d'entreprise parce que je travaille beaucoup sur cette thématique organisationnelle. Donc, on nous dit, par exemple, lorsque le chef hiérarchique, il prend l'initiative de dire à cette personne, monsieur ou madame, arrêtez votre jeu, là, il y en a marre. Ça n'arrive presque jamais. Vous voyez, donc, ou bien alors parce que la victime, lorsqu'elle va savoir qu'elle est démasquée, elle va arrêter. Mais des fois, il y a des gens qui jouent très bien le rôle qu'on n'arrive pas à les démasquer. Oui, on exactement. Pas à les démasquer. Mais avec le temps. Ça prendra beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup exactement. De temps. Parce que j'en ai vu, on en voit tout le temps, on les croise tout le temps. Des gens, surtout les machiavéliques, les manipulateurs. Exact. Et il y a parmi eux, moi j'ai rencontré des femmes qui se victimisent pour avoir cette affection, susciter l'affection de leur entourage, pour se démarquer, pour qu'elle soit le centre de l'intérêt. Le centre d'intérêt, exactement. Exactement. C'est le centre d'intérêt. Moi j'en ai vu. La première blessure de l'être humain, c'est effectivement qu'il n'est pas le centre d'intérêt. Mmh. C'est que quand on est dans une famille et qu'on est le premier-né ou qu'on est né dans une famille, on est quand même le centre d'intérêt de toute la famille. La maman, le papa, les grands, les grands frères, ah, c'est difficile. Les sœurs. Je vous parle de mon connaissance, je suis l'aîné de toutes les deux familles et c'est difficile. Il faut faire un grand travail sur soi. C'est clair. Donc à partir du moment où on va percevoir que nous ne sommes plus le centre d'intérêt, que nous sommes amenés à faire les choses nous-mêmes parce qu'il y a un nouveau-né ou parce que maman et papa sont occupés à faire autre chose, c'est pas très évident, comme vous avez dit, la Hanan, d'avoir à se prendre en charge aussi. Moi, j'aime bien l'idée de la blessure narcissique. Donc, pour qu'on explique. La blessure narcissique, c'est-à-dire, c'est comme on a expliqué, c'est la victime, la personne qui s'auto-victimise, elle cherche à être le centre de l'intérêt. Et si, par hasard, l'entourage, l'environnement, que ce soit au niveau de la famille, ou bien dans la petite famille, c'est-à-dire conjoint, conjointe, ou bien dans un environnement professionnel, c'est une manière, c'est une technique pour focaliser l'intention et pour renforcer, pour alimenter le narcissisme de la personne. Donc l'ego, il est un peu très, il est très élevé, mais contrairement à ce qu'on peut croire. Et en faisant ça, on peut faire du mal aux autres. Exactement. On peut écraser l'autre pour qu'on reste au centre d'intérêt. Oui. Ça, c'est là où ça devient machiavélique et dangereux. Dangereux, oui. On a recours, j'ai parlé tout à l'heure de stratagème, parce que cette personne, pour arriver à ses fins, elle peut recourir à n'importe quelle technique. Elle peut provoquer et aller se plaindre. Vous voyez, c'est toujours l'autre. Vous voyez. Je crois que c'est le genre de posture le plus difficile et le plus dangereux. Exactement, parce que le persécuteur, il assume. Vous voyez, il assume son agressivité. C'est un jeu de pouvoir lorsqu'on parle de triangle dramatique. C'est comment s'arroger le pouvoir. Il faut du souffle pour faire ça. Je me demande sincèrement. Je dis des fois, mais là, du souffle. Et de la créativité aussi. De la créativité. Comment il fait pour convaincre les autres qu'elle est victime, pour convaincre les autres qu'elle n'a rien fait, par exemple, ou pour convaincre les autres que c'est l'autre qui est responsable. C'est vraiment la sagesse d'Yenna marocaine, ils l'ont dit. Donc c'est ça. Donc cette personne, elle est susceptible de créer le conflit, c'est-à-dire pour attirer, pour renforcer une étiquette, je ne sais pas, d'agressivité, de je ne sais pas, pour une personne, mais c'est elle qui provoque le conflit. Et elle arrive, elle s'arrange pour démontrer qu'elle a été victime. Vous voyez, donc, dans un couple, c'est invivable. Donc, par exemple, ils peuvent mener le conjoint ou le partenaire vraiment... je le rendre fou. Exactement. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Alors, on va rappeler encore une fois nos directs, puisque notre ami Yacoub est là pour répondre à vos appels. 05 37 20 44 73. 05 37 20 44 73. Un autre morceau de musique et on se retrouve juste après. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah, non, c'est pas bien. لايك ديالها عندها في لاباج ديالها.